Le méga je les baisse, protège ta meuf, on démasse ses fesses. Nique les beaux parleurs quand j'écarte les traites. Après mon touch, je te donne à tes ailes. J'ai 20 E pour les potos, 20 E pour les autres, ah, 20 E pour le président, le maire, les bleus et les connasses. Tous du bétail, de la pipi, j'ai la médaille. Si je te détaille, moi, vite, il me faut une lame et puis des flammes. Pose-toi la question de la raison, de la pression, de l'agression de ta fille. Tu comprends pas car ces ondes là, j'ai l'impression que t'es sur ma bulle. Entre et moi, y'a une plaquette qui sépare les débats. J'suis la cause de chute, c'est rire. Entre les meufs et l'argent, ce que j'aime tu le sais. J'préfère zapper cette cul et au final taper un cul. Cette cul sec, j'serais millionnaire, les cafards me l'ont dit. Quand je sillonnais, les caves les appartent vite sur des kilomètres. Cet hiver j'tiens les clicos, cet été j'en ramène le trip. J'fais des petites pauses, je bronche, je vends, j'fais mes tractions et j'fais du chiffre. J'vois les autres rimer, pendant que moi j'suis en train de rimer. Voilà, j'vais les faire saigner, dis-leur j'leur ai préparé le Kleenex. Une voiture brûlée au dîner, l'état même pas veut m'opprimer. Faire continuer. Ma haine m'en cabriné. 17h l'horaire d'ouverture, je dois taffer pour ma couverture. J'aurais pu être trop de net, tellement autour de moi c'est couvert. Pute, peux me diriger partout, où j'aille gros, je crierai sous. Tu m'aimes pas, j'aurai les sous. Tif, ta meuf est plus des sous. T'es sourd, quand je marche, deviens plus en plus parano. Comme si j'avais des reçus, gros, j'ai moins 17 au-dessus. De ce, quoi, je viens arracher les salopes. Si j'ai un bonnet, je appelle Shakira, fais tout gratter tes galops. Bête, bouffon, bouffon, tourne pas dans la tête, mec. Ça c'est pour les vrais poils, les tapettes qui chient un tête. Bouffon, bouffon, tu veux nous contrôler. Tu vas voir les étoiles, y'aura des pavés pour te consoler. Et je vais vite, les patards, les kister. Vite, te patate dans le vide. Vite, le coffre de shit. Vite, évidemment. Rapper rapide, c'est simple, alors croyez pas qu'ils sont forts. Arrête de cesse avant de poncer. Arrêtez ces têtes, bon sang, bonsoir. Moi je m'en bats les couilles, le rap c'est cool, je fais ça 3 heures. Et je suis saoulé. Parlez tous, voilà les douilles, ça crie zoom. Avant de niquer les poulets, je vois tous les gens danser comme si c'était un son de poids. Je vois les flics pourrés car ils sont trop moches et ont trop honte de soir. C'est pour se faire connaître, suffit de lancer une bouteille de jar, tu sais. J'arrive avec un bidon d'essence et des allumettes. Ma magie, j'ai plus d'une quête plate dans mon sac. Demande à N-O-F-R-B-A, je veux du contact. 9-1-9-4, la posture met des claques. Tout le monde au bon char, profite d'une émeute pour faire mon casse. T'as envie de pousser, vas-y gros, mais mon son à fond. 80 kills, c'est le minimum si tu veux vraiment soulever la fonte. Tu veux ta petite meuf, ton touch, tes globes, ah ça. Fais ton buzz, ton beurre, on est des millions sur la liste. Je marche en regardant le ciel, espérant que l'éternel me dirige. Faut que le jour où j'arrête de vendre, tous mes yankees mobilisent. Le rap m'étudie une écriture qui n'est pas humaine. Si je capte pas ce que vous dites, c'est que j'ai le bout de mon skate qui entre dans un tunnel. On m'appelle pas parce que je suis trop pâte, comme un bison qui pèse une brebis. Tu sais bien que si je pose sur ton bail, en un son, je vais niquer ta combine. Si j'ai grandi 2 cm, c'est que j'ai 2 liasses dans les R structures. Demande à moi qui combien peut R, attrape pas les structures. Lecture, pas de stop ni de pause. J'sors un son, hop j'explose. Entrepreneur, la barrette à des mots. En couverture closer. La capote qui sent le shit et l'autre qui sent la PR. Tu racutes mais dans bateau personne. Pourtant leur fout le mal de merde. Tourne cette fois une bite dans ta bouche avant de parler. Si t'es pas en mode Zeb et que t'as tes redlocks, prends pas pour Bob Marley. Et mec tu touches trop le clito avec ton putain de litron à 3000. Que des chiens tous les jours je serre la main à 30 millions d'amis. Tu maigris tous les jours, t'étonnes pas si j'ai la dalle émise. Tu veux me sucer pour avoir 22, mais non, je préfère le pif. Sont des halls, volume 2, meilleurs tous vos albums du siècle. Et là j'ai les chevilles qui enflent, normal les transports 50G. Et tu sais, j'balade ma rime sur des bits et puis des pistes. Marche dans la ville, esquive les filles, puis les fils de. Ça sur la table, la lame dans un grip. Ramasse tout un bif, on calcule les bénéfices. Bête, ils comprennent pas qu'on les baisse, qu'on les blesse. Va leur neuf et s'il te plaît. Arrête de chialer parce que tu jalouses notre baisse. Si j'rappe, c'est pour les vrais qui galèrent dans la tête. Ils sont bêtes, ils comprennent pas qu'on les baisse, qu'on les baisse. Va leur neuf et s'il te plaît. Arrête de chialer parce que tu jalouses notre baisse. Si je rappe c'est pour les frères au cachard dans la tête. Bande d'enculé, je vous baisse. Corbeil, désordre, ivry sur N. Tu connais. ADEMO, poteau.